L'actualité à Nancy et ailleurs. Un dispositif d'aide au projet pour les jeunes, c'est porté par la CAF de Meurthe-et-Moselle et la Fédé des MJC de Meurthe-et-Moselle. Jonathan Menahoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur jeunesse à la Fédération départementale des MJC de Meurthe-et-Moselle. Et donc, jusqu'au 30 avril, oui. Les jeunes peuvent déposer un projet. Alors, expliquez-nous un peu quel genre de projet et puis à partir de quel âge on est jeune et jusqu'à quel âge. Alors, du coup, le dispositif, donc ProJeunes 54, accepte les dossiers venant des enfants ou des jeunes, plutôt, de 12 à 17 ans, sur un projet avec des thématiques qui sont sur le site de la Fédération MJC. Des thématiques qui peuvent aller de humanitaire et solidarité jusqu'à sport, mais hors compétition, loisirs et départ en vacances. En passant aussi par la culture, il y a vraiment une bonne fourchette de thématiques qui permet d'avoir plein d'idées de projets à mettre en œuvre. ProJeunes 54, ça existe depuis longtemps, c'est nouveau? Alors le dispositif sur la Meurthe-et-Moselle, et c'est la première année où elle est mise en place. Donc c'est un dispositif pour aider et valoriser l'initiative des jeunes qui a été mise en place donc par la CAF de Meurthe-et-Moselle. Mais c'est un appel à projet qui est déjà existant au niveau national, sur plusieurs départements. Et sur ce département-là du 54, ça a été mis en place sur le ProJeunes 54. Il y a un besoin de faire connaître parce que c'est nouveau. On a jusqu'au 30 avril donc, pour déposer un projet. Le rôle de la Fédé des MJC dans ce dispositif, c'est d'accompagner, enfin de recenser déjà les projets, puis d'accompagner ces jeunes. C'est ça en fait, mon poste là sur animateur jeunesse pour le de la Fédé, il est là pour accompagner comme vous l'avez dit. Il est là pour diriger, que ce soit animateur professionnel jeunesse ou même les jeunes qui n'ont pas d'association peuvent postuler. Des jeunes qui n'ont pas forcément d'MJC ou pas forcément d'association locale peuvent m'appeler, prendre contact avec moi et moi je peux les rediriger vers des associations locales. Donc du coup, c'est le but aussi d'avoir... ils sont obligés d'être portés par une association locale ou une commune pour pouvoir mettre en place le projet. Des jeunes donc de 12 à 17 ans là, qui nous écouteraient, il faut quand même se rapprocher d'une association locale pour pouvoir déposer ce projet. Parce que ce n'est pas forcément évident, il y a un dossier de candidature, c'est assez complexe j'imagine. Le dossier de candidature a été simplifié exprès justement pour que les jeunes de 12 à 17 ans puissent le remplir. En fait, le dispositif est vraiment basé sur, même s'ils ont une association locale et même s'ils ont un animateur jeunesse accompagnateur, le but c'est vraiment qu'ils montent leur projet et qu'ils mènent leur projet de la manière dont ils le veulent en fait. Donc le dossier est plutôt facile à remplir, avec des parties un peu à cocher, des parties un peu à expliquer, avec leurs mots, le résumé, la naissance du projet. Et après, c'est pas du tout pris en compte vraiment les mots professionnels, on va dire, ou les expressions professionnelles qui seraient demandées dans un dossier de subvention traditionnel. Là, c'est vraiment en acquis de conscience, qui savent que c'est vraiment un dossier fait par les jeunes et pour les jeunes. Pour donner un peu plus concrètement des idées de quel genre de projets peuvent être proposés, est-ce que vous avez des exemples à donner? Ça peut être un départ en vacances sur des jeunes, par exemple, qui n'ont pas jamais vu la mer. Ils décident de vouloir partir et organiser un séjour à la mer. Ça peut très bien être passé pour le dispositif. Mmh. Ensuite, ça peut être des actions locales. Donc, participer sur un marché local d'une ville, d'un village, mettre en place quelque chose qu'il n'y a pas forcément et qu'ils aimeraient créer et mettre en place. Oui. Après, il y a aussi des choses comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux thématiques de l'humanitaire, ils peuvent mettre en place des temps humanitaires, des temps de solidarité ou même peut-être mélanger les deux thématiques séjour et humanitaire et partir quelque part en Afrique ou quelque part pour mettre des actions humanitaires en place sur des lieux hors de leur ville de tous les jours. Voilà, les différentes thématiques peuvent se recroiser tout à fait. Sans problème. Hein. Tout à fait. On les retrouve sur le site de la Fédération pour retrouver un peu toutes les thématiques, un dossier de candidature aussi. Alors du coup, le dossier de candidature, il est sur le site de la Fédération des MJC 54. Oui. Et sur le petit onglet projet. Donc dans le petit onglet projet, il y aura un onglet projet jeunes 54. Et dessus, il y a la petite plaquette avec toutes les informations et avec les thématiques dessus, le pourcentage de subvention qui est possible de demander et aussi le dossier de candidature à télécharger directement en format PDF pour le remplir et le renvoyer par mail sur le mail de fdmjc54.jeunesse@gmail.com. Voilà, on retrouvera bien sûr aussi tout ça sur le site de la radio avec le podcast de cette interview. Voilà, une fois que les projets sont déposés, comment ça se passe, la sélection? Et puis après, vous avez parlé d'un pourcentage de subventions possibles. Expliquez-nous un peu, une fois que les projets sont validés ou non. Mon poste est aussi là pour faire en sorte que tous les projets amenés soient présentés, présentables des fois, et faire en sorte au mieux possible que ça passe sur la subvention. Donc, on a une subvention jusqu'à 80%. Donc, sur un budget prévisionnel qui est donné avant sur le dossier, ils ont une fiche budget prévisionnel à remplir. Sur ce budget de finale, ils ont 80% à demander, ou moins, selon leur oui. autofinancement, ou s'ils ont réussi à avoir donc, ouais, de l'autofinancement ou une participation d'association. Ou... Oui, oui. Donc, ils peuvent diviser ça sur le budget prévisionnel. Et après, ça passe en commission. Une personne du groupe doit venir présenter, au minimum une personne du groupe du moins, le dossier tout simplement, où ils expliquent comment ils ont mené leur dossier, pourquoi et ce que ça va leur apporter. Donc pour venir un peu défendre leur idée et leur projet. Et après ce temps-là, ils sont validés ou non, jusqu'à 80%. Les jusqu'à 80%, c'est plus sur un nombre de dossiers par exemple. Ils favoriseront l'acceptation des dossiers plutôt que dire on refuse un tel parce qu'on n'a pas, on peut pas subventionner tout le monde. Donc on descendra peut-être le pourcentage pour pouvoir donner une partie à tous les groupes qui se seront présentés au minimum. Les 80%, c'est en général, mais avec un plafond de 5 000 euros. Vous pouvez avoir un projet avec un budget prévisionnel de 10 000, c'est juste que le dispositif vous donnera au maximum 5 000 euros et il faut réussir à avoir les autres 5 000 euros pour pouvoir subventionner le reste du projet. Voilà, d'où l'idée aussi de se faire aider par d'autres associations ou d'autres structures locales. C'est ça, ou fonctionner avec l'autofinancement, ou aussi. Mettre un selon l'événement ou selon la participation, mettre une participation pour aller mais à tarif réduit, ou mettre en place des autofinancements avec des actions sur des marchés, sur de l'espace local, sur des choses... de tous les jours, des ateliers, à récupérer un financement et de l'argent pour pouvoir financer leur projet. Alors là, avec un exemple à 10 000 euros, on est sur une fourchette très très haute, hein, oui. Bien sûr. Les plus petits budgets que vous avez vus pour l'instant passer ? En général, ça tourne entre 3 000 et 6 000 euros de budget prévisionnel, donc à retirer les 80% et ils ont le reste à autofinancer ou à demander en aide sur des associations ou même d'autres subventions. Ils peuvent aussi cumuler avec d'autres subventions sur le département, sur la région, selon le projet qui propose. Donc Projeune 54, c'est une nouveauté cette année, sur la Meurthe-et-Moselle en tout cas. Donc on n'hésite pas à venir se renseigner auprès de vous. C'est ça. Hein, on peut peut-être redonner l'adresse mail. Oui, alors fdmjc54.jeunesse@gmail.com. Et on a donc jusqu'au 30 avril pour déposer ce projet. Pour la session de 2022, c'est jusqu'au 30 avril et puis il y aura... une autre session qui apparaîtra dès septembre, où les candidatures pourront être acceptées dès septembre 2022 pour la session d'après. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Bah, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.